Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Connaissez-vous Hervé Guibert ? Né en 1955, il est mort du sida en 1991. Son œuvre comprend 24 livres qui sont en grande partie des récits autobiographiques. Ami de Michel Foucault, qu'il a vu mourir, les personnages de ses livres sont ses amis et inversement. Dans « Fou de Vincent », publié en 1989, il raconte la relation érotique, obsessionnelle et douloureuse qu'il entretient avec Vincent, celui qu'il nomme l'enfant. En bas de chez moi, avant que la voiture soit arrêtée, je demande à Vincent s'il préfère monter finir le champagne ou rentrer chez lui. Il me dit d'un ton assez enjoué, finir le champagne. Sitôt entré chez moi, sous ses yeux, je me dénude entièrement, me mets dans mon lit et lui dis d'en faire autant. Il est estomaqué. Il ne rechigne pas, le voilà enfin dans mon lit presque nu, il a gardé son caleçon, à côté de moi. Je bande. Je suis bien, heureux, je le caresse, je lèche et suce ses tétons, je lui demande de me caresser, il s'attache à une oreille, il me dit qu'il aime bien les oreilles, je le serre dans mes bras, je frotte ma verge par doux mouvements réguliers contre sa cuisse, je le branle en même temps, il bande bien, je sens contre mes lèvres le duvet de ses joues. Oh, comme je l'adore! Je déclame cet exercice d'adoration dont je suis toujours capable à son côté. Je baise sa verge longtemps, sans la sucer, puis je l'engloutis d'un coup. Elle est si bonne, si douce, si petite, si brave, si splendide, si délicieusement odorante. Très légèrement, Vincent me dit qu'il suce rarement les chattes parce qu'elles sentent trop fort. Je lui dis qu'il me sodomisera peut-être un jour avec une capote. Il me dit « Tu as peur du sida ?» Je lui dis « Tu as baisé tant de petites négresses en Afrique. » Il me dit « Je suis sûr que tu aimerais ça, les petites négresses à la peau sucrée, bien chaude. » Je lui dis « Qu'il m'aimera peut-être un jour. » Il dit « Oui, peut-être. » Bonjour Bruno Blankmann. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous enseignez à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Les récits indécidables ». Très beau titre. Jean Echenoz, Hervé Guibert et Pascal Quignard, disponible aux éditions Presse universitaire du Septentrion. Et c'est avec vous que nous allons évoquer le travail d'Hervé Guibert et ce texte « Fou de Vincent » en particulier. Quelle est la nature de la relation qui unit le narrateur à Vincent ? Une passion, un amour, une obsession érotique ou une de ses inventions ? C'est à peu près tout cela à la fois, successivement et simultanément, et on en a un premier aperçu, si l'on peut dire, à travers cette page magnifique qui a été lue, où on est dans une description effectivement très érotique, mais en même temps où celle-ci est dépassée par ce qui échappe au corps, ce qui passe par le corps, mais ce qui échappe au corps dans la relation à l'autre, dans la relation entre le narrateur et Vincent. Il y a ce premier registre qui est celui de la gourmandise, celui de l'appétit, celui de la dévoration aussi. C'est un petit peu quand même une relation cannibale. Qui va manger qui dans tout cela? Et puis, il y a en alternance avec ce premier registre, celui de l'adoration. Celui de l'absolu, celui d'une comment dire, d'un couple qui est un faux couple, qui ne vit pas ensemble, qui n'a pas le même âge, qui ne cesse de se voir puis de se quitter, mais qui a une sorte de lien passionnel, donc échappant à la volonté de l'un autant qu'à celle de l'autre, et qui relève véritablement d'un absolu. Et je crois que Guibert emploie une très très belle expression dans un autre passage de Fou de Vincent à cet égard. Il parle d'une sueur d'absolu. Lors d'une description érotique, il y a cette expression qui vient, une sueur d'absolu. C'est-à-dire que la fusion des corps, l'appétit et la gourmandise de l'amour que l'on fait et que l'on répète, n'a de prix, n'a de valeur et n'a de sens aussi que si cet amour-là, cet amour des corps, permet d'atteindre à quelque chose d'autre, à quelque chose de transcendant. Vous parlez d'érotique et non pas de pornographie. Oui, oui, parce que j'ai du mal à trouver véritablement de la pornographie dans ce texte. Pour différents. Qui est très explicite pourtant. Oui, qui est très explicite, mais ce ne sont pas cinq ou six mots lancés comme des leurres. Auprès de, du lecteur voyeur qui suffisent à déterminer la dimension pornographique. D'une part, enfin, la pornographie, elle est faite quand même sur une certaine forme de durée qui est censée être mimétique de l'acte sexuel lui-même. Or ici, vous me l'accorderez, c'est quand même assez bref, c'est assez court, ça ne dure pas très longtemps, parce que on est dans autre chose. On est dans l'érotisme, c'est-à-dire dans une passion qui s'exprime au travers des corps, mais qui transcende les corps eux-mêmes. La jouissance, elle est contournée parce que finalement, elle n'est pas l'objet premier de ce texte. L'objet premier de ce texte, c'est d'essayer de mettre un nom sur quelque chose qui relève de l'indicible et qui est l'attirance de cet homme pour ce jeune homme et réciproquement. La question que je vous ai posée en début d'émission reprenait les termes employés par Guibert lui-même à propos de Vincent. Il disait qu'est-ce que c'était une passion, un amour, une obsession érotique ou une de mes inventions. Le texte qui suit, qui est assez court, il fait une centaine de pages, se compose de petits paragraphes, parfois une seule phrase, de nombreux fragments qui vont tenter de répondre à cette question à travers l'écriture. Et c'est cela qu'il faut avoir en tête, c'est que quand Guibert écrit, c'est pas simplement pour décrire, c'est pour essayer de comprendre ce qu'il vit. L'écriture, pour lui, est une condition de compréhension, voire presque de survie de sa passion pour Vincent. Oui, tout à fait. Et cette citation, elle est d'autant plus importante qu'elle est destinée aussi à guider là, ou plutôt les lectures que l'on peut faire de ce court récit. C'est le récit d'une sublimation, Vincent comme Dieu, c'est le récit aussi d'une relation que n'épargne pas la banalité du quotidien, hein, avec ses ratés, ses ratages, avec ses colères, avec ses manques et avec ses frustrations de part et d'autre. Hein, il y a beaucoup de fragments qui reviennent là-dessus, hein, qui sont des fragments d'une liaison avortée, en quelque sorte. C'est aussi, ce texte, l'histoire d'une pulsion. Hein, quand Guibert parle d'obsession sexuelle, qu'est-ce que c'est, Vincent ? C'est une obsession sexuelle, dit-il. Il faut avoir à l'esprit ce qui était le grand objet de recherche de Guibert lorsqu'il écrivait, quels que soient ses livres, c'était véritablement essayer de donner forme et figure à l'inframonde des pulsions, celui qui nous porte, dont la pulsion érotique est une parmi d'autres, peut-être la plus déterminante, la plus enrobante de toutes. Mais voilà, c'est aussi là-dessus qu'il travaille. Et enfin, lorsque, je crois que c'est le quatrième terme de l'énumération que vous avez cité, lorsqu'il parle d'une fiction, d'un personnage... Une invention. D'une invention, voilà. Oui, Guibert, il travaille moins sur l'autobiographie, telle qu'on a pu la pratiquer, en gros, de Rousseau à Sartre, qu'il ne travaille sur une forme qu'il participe à inventer. Alors, c'est devenu un petit peu un lieu commun aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout à son époque, ce que l'on appelle l'autofiction. C'est Dubrovsky qui a inventé ce terme en 1977. 1977, c'est aussi la date à laquelle paraît le premier texte d'Hervé Guibert, La mort propagande. Et à partir de là, il va travailler sur l'autofiction. Et c'est quoi l'autofiction ? C'est partir de ce que l'on a vécu, c'est partir des proches qui sont les nôtres et essayer de en élaborer sur ces éléments de réalité biographique, des fictions qui ne soient pas des mensonges, mais qui soient une exploration en profondeur de ce qu'on n'a pas le temps justement de vivre à fond dans la réalité. C'est ça l'autofiction. Je vous propose d'écouter Hervé Guibert en parler. Laissons-lui la parole un instant. C'est sur France Culture en avril 1990, donc un an et demi avant sa mort. Il parle de son rapport aux personnages de ses textes. Ces personnages sont ses amis. Et inversement, on y trouve nos amants Adjani, on y trouve des gens qu'on connaît moins, Thierry qui devient Jules, Christine qui devient Berthe, et aussi Michel Foucault, qu'il appelle Musil. Musil Foucault, qu'on l'appelle Musil ou Foucault. J'ai dédié un livre déjà qui était dédié à mon voisin, ce qui était lui, évidemment, une façon discrète de lui dédier un livre. J'avais dédié Des aveugles à l'ami mort, c'était évidemment lui. Le personnage de Marine, elle est apparue dès mon premier livre. C'était un personnage qui, à l'époque, n'était qu'une initiale, I. Donc tous ces personnages, que ce soit Jules, Berthe... ils sont là dans tous mes livres, c'est les personnages de ma vie, quoi. Alors, ils prennent des noms différents d'un livre à l'autre, ils ont des activités différentes, enfin, ils interviennent. Bon, alors, c'est des choses que je leur propose aussi, c'est des épreuves qui sont parfois très, très, très risquées, très limites, et jusque-là... on a l'impression que ça va faire des dégâts terribles. J'en ai souvent très peur. Ils en ont aussi très peur. Et puis finalement, c'est un maillon qui, je crois, qui consolide aussi l'amitié, la confiance et la tendresse. Hervé Guibert parle de son écriture à plusieurs. Il dit que c'est un risque que nous prenons. Mmh. Comme si les personnages qu'il inventait, qui étaient directement inspirés de ses propres amis, étaient participés activement au scénario même d'écriture, Bruno Blankmann. Oui, alors risque à différents niveaux, je dirais risque dans la réception même des textes par les intéressés, si l'on peut dire, qui peuvent ne pas être franchement en accord avec les aventures qu'on leur prête et avec surtout ce sont moins des personnages biographiquement reconstitués que des avatars. Et des avatars qui permettent à Guibert d'apprendre à se connaître lui-même à travers la relation qu'il nourrit avec eux, mais à travers peut-être la plus substantielle de cette relation, qui n'est pas la relation au quotidien, qui n'est pas l'échange physique, mais qui est la relation mentale et la relation psychique. Qui sont ces autres qui me sont familiers, qui m'entourent et auxquels je rêve, auxquels je songe, dans un ordre de la réalité qui n'est pas la réalité factuelle, qui n'est pas la réalité vécue physiquement, ni par eux ni par moi, mais en même temps qui me nourrit fondamentalement et que je nourris avec toute la puissance de ma psyché. C'est un petit peu cela aussi. Ce dont nous parle l'œuvre de Guibert, et c'est en cela, me semble-t-il, qu'elle est vraiment majeure, c'est cette seconde vie ou cette survie, cette vie au-delà de la vie ordinaire, que nous prêtons tous à nos proches. Nous nous les approprions, nous les dévorons mentalement, nous en faisons des créatures psychiques et parfois... Bien sûr, il est très dur de faire se rejoindre la réalité fantasmatique des autres avec leur présence immédiate. Et je pense que c'est de cela dont nous parle Guibert, dans la mesure où toute une grande partie de son œuvre, justement, ne consiste pas à inventer des personnages, mais à les faire renaître en tant qu'avatar involontaire d'eux-mêmes. C'est quand même un peu gonflé, surtout pour les intéressés. Et bien sûr, il en est qui sont sans doute heureux de ces métamorphoses, et d'autres moins. Je crois que c'était Barthes qui avait manifesté son mécontentement par rapport à Guibert, parce qu'il trouvait que Guibert ne s'intéressait pas suffisamment à la personne de l'autre, mais en quelque sorte choisissait en l'autre des éléments, des fragments, si l'on peut dire, qui l'intéressaient et laissait le reste, c'est-à-dire en gros autrui, à côté. On reviendra sur Barthes, notamment dans le rapport à l'écriture, parce que Barthes a beaucoup compté pour Hervé Guibert, et notamment dans son travail d'écrivain, de construction de fragments. Ouais. Avant cela, il évoquait Michel Foucault dans l'extrait qu'on a entendu. Quels étaient les liens entre Hervé Guibert et Michel Foucault ? Alors, des liens de très, très, très grande amitié et de très grande proximité. Ils étaient d'une part voisins, et cela donne des scènes de semi-voyeurisme de la part de Guibert dans certains textes. Et puis, surtout, ils avaient une relation de très forte estime, de très forte présence l'un à l'autre. Et il est une page absolument magnifique de douleur et de beauté littéraire en même temps, qui est la réaction de Guibert à l'annonce de la mort de Foucault, lorsqu'il traverse Paris en courant et en chantant une chanson de Dao. C'est absolument magnifique. Alors, par ailleurs, je pense que Guibert a beaucoup tiré de ses conversations avec Foucault tout ce que Foucault a pu écrire, le dernier Foucault, j'entends, hein, celui que Guibert a connu, autour du souci de soi, en réévaluant tout un pan de la philosophie latine que l'on avait oublié, Marc Aurèle et d'autres. Cette question du souci de soi qui intéressait beaucoup Foucault à la fin, qui a donné des textes majeurs publiés à titre posthume, on la retrouve implicitement dans les textes de Guibert. Pourquoi l'appelle-t-il Musil ? Alors, écoutez, là, je pense que il y a sans doute un code ou un cryptage un peu facile. Musil avec un Z, pas un S, donc voilà. C'est pas Robert Musil. C'est pas Robert Musil, mais en même temps, on peut se demander, connaissant les facéties du bonhomme, si l'on peut dire, je parle pas de Foucault, je parle de Guibert, l'homme sans qualité, vous voyez, pour désigner celui qui les avait toutes. Intellectuellement, ça peut être aussi une sorte de private joke. C'est une interprétation parmi d'autres, sans doute. Je retournais chaque jour voir Musil à Saint-Michel. La chambre sentait toujours le merlan pané. Le même plein soleil s'arrêtait à la lisière, la fenêtre carrée. La sœur s'esquivait en me voyant arriver. Musil n'avait pas mangé les pâtes de fruits. Le crachoir était vide et on avait raté la ponction lombaire. On devait en tenter une seconde. C'était horriblement douloureux. Les infirmières disaient que le tassement des vertèbres à cause de l'âge empêchait la pénétration du drain à l'intérieur de la moelle. Maintenant qu'il connaissait cette douleur, Musil la craignait par-dessus tout. Ça se lisait désormais dans son œil, la panique d'une souffrance qui n'est plus maîtrisée à l'intérieur du corps, mais provoquée artificiellement par une intervention extérieure au foyer du mal, sous prétexte de la juguler. Il était clair que pour Musil, cette souffrance était plus abominable que sa souffrance intime, devenue familière. Je lui dis que j'avais repris mon manuscrit sur les aveugles. Et je vis dans son regard une pointe de souffrance terrifiée. Conscient de son impuissance à reprendre son manuscrit à lui, dont le dernier volume restait en plan. Dès ma première visite à l'hôpital, je l'avais notifié dans mon journal, point par point, geste après geste, et sans omettre le moindre mot de la conversation raréfiée, triée atrocement par la situation. Cette activité journalière me soulageait et me dégoûtait. Je savais que Musil aurait eu tant de peine s'il avait su que je rapportais tout cela comme un espion, comme un adversaire, tous ces petits riens dégradants dans mon journal, qui étaient peut-être destinés, c'était ça le plus abominable, à lui survivre, et à témoigner d'une vérité qu'il aurait souhaité effacer sur le pourtour de sa vie, pour n'en laisser que les arêtes bien polies, autour du diamant noir, luisant et impénétrable, bien clos sur ses secrets, qui risquait de devenir sa biographie, un vrai casse-tête d'ores et déjà truffé d'inexactitudes. Bruno Blankmann, le texte que je viens de lire est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Cet ami en question n'est pas Michel Foucault, dont il décrit ici les derniers moments. Il décrit les derniers moments de Michel Foucault et le lien qui unit lui-même Hervé Guibert à l'écriture et à Foucault. Et le texte continue, évidemment, est encore plus précis et explicite. On assiste à une opération de Michel Foucault. Et la violence avec laquelle il... ou plutôt la violence qu'il ne nous épargne pas, parce que c'est pas la violence de l'écriture, c'est la violence de la situation, fait penser à la violence qui peut saisir le lecteur qui va lire un texte jugé pornographique. Tout cela pour dire que pour Hervé Guibert, ce qui le caractérise, c'est le souci de regarder et de nommer la violence, quelle qu'elle soit, sexuelle ou maladive. Oui, quitte à combattre cette violence par une autre violence qui est celle du texte. Et ici, ce qu'il y a de plus violent, finalement, par-delà la situation, par-delà le référent premier du texte, qui est cette description clinique et minutieuse de la décomposition d'une intelligence exceptionnelle et du corps qui bientôt ne va plus la supporter. La fin de Foucault, c'est terrible dans cet extrait-là. C'est véritablement une intelligence qui se décompose. Il y a cette violence-là qui est de l'ordre de la description, et puis il est une autre violence qui est de l'ordre plus spécifiquement de l'écriture, de sa finalité, de sa destination, qui est en quelque sorte de prendre Foucault à son propre piège. Il ne faut pas oublier que Foucault, ça a été un philosophe de la révélation, de la dénonciation critique et politique par rapport à ses grands textes sur le système carcéral ou sur d'autres formes de structures sociales. Et c'est ce même philosophe qui a permis à notre société dans les années 60 de progresser en prenant conscience d'un certain nombre d'éléments qui dysfonctionnaient dans ces structures. C'est ce même philosophe qui fait tout finalement pour cacher le secret ou pour faire de sa mort un secret. Avec, bien sûr, l'environnement de sa propre famille, famille très bourgeoise, n'aurait pas voulu que l'on sache que le grand homme était mort du sida, qui était une maladie tout à fait indigne et scandaleuse à l'époque. Nous sommes en 1984. Donc là, il y a, si vous voulez, aussi toute une posture au sens noble du terme, qui est celle du littéraire, de l'écrivain, qui est là comme un révélateur. Contre le gré de Michel Foucault, c'est ça qui est très dur pour le lecteur. Alors, c'est dur pour le lecteur, mais c'est aussi sa propre souffrance face à cette situation que révèle ce texte. Il n'y a aucune jouissance de la part de Guibert à se faire le traître de l'autre. Trahir l'autre qui est un des siens, c'est se trahir soi-même, mais en même temps, ne pas raconter la réalité médicale, factuelle, thanatologique de cette disparition, c'est le trahir encore plus au nom même de la philosophie et de l'œuvre que Foucault laisse. Vous voyez ? Donc, il y a une première forme de trahison par rapport à l'homme et à l'ami, mais qui est comme rachetée par ce qui ne sera pas une trahison, mais comme un accomplissement de la lettre même du texte de Foucault, en allant jusqu'au bout de la révélation. Il y a un souci de cohérence quasiment intellectuelle, c'est ce que vous dites, oui. Mais il y a aussi ce rapport à l'écriture qui, chez Guibert, est quelque chose de vital. Il dit qu'il écrit, plus tard, quand lui-même sera malade, dans son journal, il écrit « faire de la torture mentale ». La situation dans laquelle je me trouve, par exemple, un sujet d'étude, pour ne pas dire une œuvre, rend la torture un peu plus supportable. Oui. Et il le dit à plusieurs reprises, ce qu'il traverse l'intéresse et il veut l'écrire et c'est une manière de rester vivant. Il en va de même pour le texte qu'il écrit sur Foucault, sans doute. Ça rend la douleur supportable. Alors, je ne sais pas si ça la rend supportable. Ça permet de la tenir à distance en faisant l'objet d'un récit. Et ça permet de lui donner un sens, alors que par principe, la douleur n'en a surtout pas, que par principe, la mort de Foucault relativement jeune encore, n'en a pas non plus. Cela permet, en quelque sorte, d'intégrer dans la ronde du sens cette réalité insensée, et sinon de rendre acceptable la douleur, du moins d'en faire un objet de représentation, c'est-à-dire aussi un objet d'intelligence. Que révèle cette douleur ? Que révèle-t-elle, que me révèle-t-elle à moi-même ? Parce que ce qui est en jeu aussi dans cette page, alors c'est vrai par rapport à Foucault, le malade réel, c'est vrai aussi par rapport au personnage de Marine, qui est en fait le surnom qu'il donne à Isabelle Adjani dans ce même récit, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Adjani qui, elle, est la malade fausse, la malade hypothétique, celle dont les médias ont pu raconter de manière calomnieuse à l'époque qu'elle était atteinte. Oui, et ensuite on l'a annoncé morte. À tel point qu'elle a dû venir se justifier à la télévision pour non pas pour se laver de tout soupçon, mais pour dire arrêtez, c'est une calomnie. C'est ce contexte qu'il faut avoir en tête lorsqu'on lit Fou de Vincent, cette maladie du sida qui vient quasiment d'apparaître, dont on ne mesure pas encore très bien le caractère épidémiologique. Il faut absolument le dire pour les plus jeunes qui ne le savent pas, le dire pour les plus vieux qui l'ont oublié. Mais il faut le répéter, dans le milieu de ces années 80, on vit dans une espèce de syndrome du sida. C'est l'époque où des hommes politiques de premier plan, alors on ne dira pas qu'ils sont borgnes et d'extrême droite, mais parlent de sidatorium à inventer. Ou à construire pour pouvoir parquer ces dangereux parias. Donc c'est tout cela. Et il y a des artistes, des écrivains qui sont parmi les premiers médiateurs, les premiers révélateurs de ce qu'est cette pandémie et de ce qu'est la douleur des malades. Et de ce qu'est l'inconnu pathologique, de ce qu'il est en termes sociaux aussi, en termes de réaction. Alors, il y a Guibert qui, atteint par cette maladie, témoigne de l'intérieur, mais il y a aussi d'autres artistes. Je pense par exemple à cette chanson extraordinaire de Barbara, « Si d'amour à mort », qu'elle crée sur la scène du Châtelet en 1987, et qui donne un corps d'humanité et de compassion au sens le plus élevé de ce terme, au destin des malades. Hervé Guibert veut-il apprendre à apprivoiser la douleur ? Veut-il essayer de comprendre ce qu'il se passe ? Ou veut-il aussi, peut-être, provoquer ? Je vous propose d'écouter un autre extrait de Fou de Vincent, tout aussi explicite, mais qui cette fois-ci jette le trouble sur la nature même de la relation sexuelle qu'il entretient avec Vincent. Cette relation ne relève-t-elle pas de ce qu'on appelle non pas la pornographie, mais la pédophilie ? Écoutez le texte. Nuit blanche. Songe très bref, comme des évanouissements qui me rendent la verge de Vincent ou me mènent à l'étouffement. Rêve de la peau de Vincent. La maîtrise sexuelle d'un refus implacable, mais défiable et languissant. L'enfant est le maître de ce jeu. Il se présente innocemment mais impérieusement comme un expert de mes conduites d'assouvissement. Il a choisi pour moi un pantalon noir impénétrable dont l'unique ouverture dénude un créneau de peau le long de l'aine et qu'il faut franchir comme un barrage, luttant avec la résistance des doigts. Il n'y a plus qu'à humer le sexe dressé sous l'étoffe. Quand la bouche, lèvres et voix s'est soumise à un nombre suffisant de supplications, la main leste fait voler le pantalon comme un accessoire de théâtre. Contemplation du jeune sexe, rose et doux, laiteux, à peine vénulé, rebondissant dans sa main. L'autre main, jouant avec le regard, cherche à voler le secret de la valise en crocodile, où se cachent mes revues pornographiques, le godemiché et le fouet, agitation sublime des refus de jouissance. On a entendu Roland Barthes dans cette dernière phrase, Bruno Blankmann. Alors, qu'en est-il dans ce texte, cet extrait de Fou de Vincent ? Ce qui trouble quand même, c'est cette référence à l'enfant, L'enfant est maître de ce jeu, et juste après, on a une description du sexe de l'enfant, qui est rose, imberbe, c'est un sexe de jeune enfant. Oui, alors je pense que vous avez raison d'aborder cette question-là, parce qu'il faut avant tout la contextualiser et l'historiciser. C'est-à-dire qu'on n'est pas à notre époque, on n'est pas au XXIe siècle, où, à raison, bien sûr, on a pu beaucoup évoluer sur ces questions de pédophilie à bien distinguer de la question de l'homosexualité. On est dans les années 1980-1990, l'homosexualité en règle générale est encore un tabou. Il ne faut pas oublier que Foot Vincent est publié en 1989 et que l'homosexualité pour les mineurs de 15 à 18 ans n'est dépénalisé que depuis 1982. Merci Maître Badinter et François Mitterrand. Donc dans ce contexte-là, si vous voulez, on ne fait pas trop la différence entre homosexualité et pédophilie. Il n'y a pas ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Ce qui paraît incroyable aujourd'hui, parce que on est dans une sorte de tabou qui écrase tout. À partir du moment où on n'est pas dans le straight, à partir du moment où on aborde la question de l'homosexualité, pour un bon nombre de personnes, la différence entre homosexuel et pédophile, elle n'existe pas vraiment. Reste que là, il a une relation homosexuelle avec un jeune enfant. Alors, sauf que, ça ne vous aura pas échappé, l'âge de l'enfant, entre guillemets, n'est jamais donné. Alors, bon, on a une description de son sexe, on voit que c'est avant la puberté. Ben, est-ce qu'il y a véritablement description ? Il y a quand même... Un jeune sexe rose et doux, laiteux, à peine vénulé ? Oui, enfin laiteux. Et plus tard, on apprend que les poils sont arrivés, ça veut dire qu'il est à ce moment-là. Laiteux quand même. Donc il y a des signes contradictoires. Alors je pense aussi et surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit chez Guibert, c'est que l'expérience personnelle, elle est très souvent aussi une expérience mythomaniaque. C'est en cela que c'est un grand écrivain. Et que ce qu'il faut lire dans ces pages, ce sont aussi, non pas des pastiches, mais des réécritures d'un certain nombre de textes pédopornographiques qui circulaient de manière tout à fait libre, y compris publiés chez les plus grands éditeurs, depuis les années 1970 et dans la mouvance de 68. Je pense aux textes de Tony Duvert, par exemple, que plus personne ne lit aujourd'hui, mais qui avait une réputation de grand écrivain des amours enfantines d'un genre suspect, si l'on peut dire. Je pense aussi à certains textes de Pierre Guyotat. On était, en gros, dans les lendemains de 68, dans une espèce d'émancipation textuelle et sexuelle sans limite. Et de fait, à l'intérieur de cette mouvance, entre guillemets, émancipatrice-là, les textes pédophiles étaient relativement importants. Et c'est après, bien sûr, qu'est venu le temps de la juridiction, de la jurisprudence et de la distinction des âges et des seuils. Reste que dans le texte, la question du consentement, pour employer un terme oui. qu'on n'employait pas en 1989, ne se pose même pas. Enfin, on voit bien que Vincent vient chez le narrateur, qu'il se comporte cette fois-ci comme un adulte. Il ne subit pas des choses qu'on le forcerait subir. Tout à fait. Le désir est de part et d'autre. Et dans le texte, c'est plutôt le narrateur qui souffre de son obsession pour Vincent, un peu comme le narrateur de Lolita souffre de son obsession pour Lolita. Voilà. C'est plus de cet ordre-là. Oui, oui, absolument. Nous sommes d'accord sur ce plan-là. Il n'en reste pas moins que travailler sur l'autofiction, surtout chez Guibert, c'est actualiser les fantasmes. C'est-à-dire donner une réalité narrative verbale à ce qui est de l'ordre de la jouissance mentale. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu consommation physique, je n'en sais rien, vous non plus, et seuls les proches de Guibert le savent peut-être, et ça n'est pas l'objet du débat. Non, on parle du texte. Voilà, là, oui. On parle du texte. Mais l'autofiction, c'est véritablement ouvrir une voie à la connaissance de soi à travers l'actualisation des fantasmes. Et de fait, là, on va sans doute pouvoir être d'accord, il y a un fantasme pédophilique dans l'œuvre d'Hervé Guibert. Un fantasme qui n'est pas, je dirais, majoritaire, mais qui est récurrent autour de la figure de Vincent et dans quelques autres textes aussi d'autres personnages. C'est d'abord le texte d'un homme qui souffre. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Non, fou de Vincent. Fou de Vincent. Alors, c'est un homme qui souffre de son désir pour une autre personne, qui se jette dans les bras de la douleur de désirer. C'est aussi un homme qui jouit de sa propre souffrance. Hein, et l'écriture, elle est le résultat avant tout de cette jouissance. Par endroit, une jubilation. Alors peut-être une jubilation narcissique inversée, j'entends par là le fait que plus il se met en scène, Guibert, en train de souffrir, plus il jouit en tant qu'écrivain, il nous fait jouir en tant que lecteur, ou nous renvoie à l'incongruité de notre propre jouissance. Hein. C'est un écrivain pervers, comme le sont un bon nombre de grands écrivains, comme l'était Rousseau avant lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par pervers? Pervers, c'est-à-dire que, d'une part, il nous manipule. Il nous manipule là où ça ne nous fait pas nécessairement plaisir. Et puis, il est toujours dans le trouble concernant le sens même à attribuer à l'expression, la mise en scène de sa jouissance ou de sa détresse. Il n'y a pas, si vous voulez, une récupération psychologique, sentimentale, ni même esthétique, qui corresponde à des attentes bien normées. C'est quelqu'un qui n'écrit jamais dans les clous. Et c'est pour cela qu'il contribue à inventer cette pratique qui, à l'époque, alors aujourd'hui c'est devenu une tarte à la crème, bien sûr, mais à son époque, c'était une pratique complètement hors norme, hors rhétorique, l'autofiction. Dans ce que j'aime aussi, dans ce que j'aime des autres, la forme brève est extrêmement importante. Je me sens un goût très prononcé pour les formes brèves. J'aime énormément cette forme ultra brève, symboliquement brève, qu'on appelle le haïku japonais, par exemple, ou même en musique, les pièces brèves de Webern, c'est quelque chose qui me fascine énormément, ou les intermezzi de Schumann, enfin. Je veux dire, je suis très attiré par la forme brève. Alors, pourquoi? Je pense que ça serait pas très intéressant de chercher des raisons, comme ça, des raisons subjectives ou des raisons de valeur. Je pourrais dire tout simplement, je l'ai dit d'ailleurs une fois, c'est parce que j'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention, à trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque. Je voyais tout de son visage, de son corps, froidement. Ses cils, l'ongle de son orteil, la minceur de ses sourcils, de ses lèvres, les mailles de ses yeux, tel grain de beauté, une façon d'étendre les doigts en fumant, j'étais fasciné. La fascination n'étant en somme que l'extrémité du détachement, par cette sorte de figurine colorée, faïencée, vitrifiée, où je pouvais lire sans rien y comprendre la cause de mon désir. Sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'Hervé Guibert aujourd'hui dans le cadre de cette série sur la pornographie. Hervé Guibert, mais aussi Roland Barthes, dont vous venez d'entendre la voix. C'est en 1977 sur France Culture, ainsi qu'un extrait d'un de ses fragments d'un discours amoureux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque Hervé Guibert jouit de dévorer, de vouloir dévorer celui qu'il désire, Barthes, lui, jubile du détachement, de la fascination. Ils ont un rapport à la fois très proche dans la méticulosité avec laquelle ils décrivent l'objet de leur désir, et en même temps complètement antagoniste dans la façon qu'ils ont de composer avec ce désir, y compris dans l'écriture, Bruno Blankmann. Oui, Guibert dévore Barthes, littéralement. Ah oui. Fou de Vincent n'existerait pas sans les fragments d'un discours amoureux. Et on pourrait se livrer à un test à l'aveugle. Je donne une phrase. Ouais. En quel coin du corps adverse dois-je lire ma vérité? Et puis une autre. Il ne viendra plus, mais il est assez malin pour m'offrir la puissance amoureuse du plus minime espoir. Le premier, c'est Barthes. Et le second, c'est Guibert dans Fou de Vincent. Il est évident qu'on est dans une sorte, non pas d'imitation, mais de mimétisme de la formule barthésienne. Y a ce côté dévorateur, c'est-à-dire que finalement dans Fou de Vincent, il y a deux objets de désir. Il y a Vincent, le jeune homme, et puis il y a Barthes, le vieil homme. Et les deux se superposent, se suriment, l'un, Barthes, devenant, par son écriture, et en raison de cette dimension moraliste, le médium de l'autre, du moins dans une partie des fragments dont sont composés Fou de Vincent. Fou de Vincent, ce sont des fragments. Alors, bien sûr, on n'attend pas de Guibert, parce que ça ne correspond pas à sa personnalité ni à son cheminement, d'être révérent par rapport au texte de Barthes. Et ce texte-là, et la figure de Barthes elle-même, il la déplace. Et c'est aussi la fonction de ces espèces de flashs pornographique qui interfère avec les fragments de moralité. C'est comme si ce que poursuivait Barthes, c'était de l'ordre de l'accomplissement. Comme s'il s'agissait de mettre en accord la lettre du texte de Barthes et des exemples, des applications, avec ce scénario qui est extrêmement... non pas pervers, c'est trop fort, malicieux, c'est trop faible, mais puissamment ironique, me semble-t-il, quand on a lu l'un et l'autre des textes, où finalement, ce que dit Guibert de Barthes, c'est que c'est bien beau tout cela, mais qu'il écrit un petit peu comme une rosière. Mais c'est et vrai. Que lui, c'est le bad boy. Voilà, c'est ce qu'il cherche. Oui, on pourrait dire que Barthes serait beaucoup plus formaliste Guibert, mais comme si Barthes cachait son désir derrière la langue. Que toute la jouissance et le plaisir à aller dans l'écriture, ce qu'il disait, de ce oui. plaisir d'attaquer. Il fait des fragments parce qu'il aime attaquer. Mais au fond, chez Barthes, il n'y a aucune description, certainement Absolument. Pas d'organes sexuels, et très très peu de désir brut et animal. Absolument. Il y a cette élévation du désir à l'état d'objet moraliste, philosophique, et on est dans un texte de la conversion, du transfert d'une jouissance à l'autre. C'est la jouissance du texte chez Barthes, ici comme ailleurs. Là où chez Guibert, il y a la jouissance du texte, il y a la jubilation de la langue, mais... elle n'est finalement acceptable, on y consent, que si cette langue-là, ce verbe-là, on en fait l'objet d'un passage à l'acte. Guibert écrit « Je suis, comme toujours dans l'écriture, à la fois le savant et le rat qui l'éventre pour l'étude ». On trouve cette phrase dans Fou de Vincent, elle s'applique à toute son œuvre. Oui. jusqu'à la fin de sa vie, lorsqu'il fait plusieurs choses, il tient un journal jusqu'à la fin de sa vie alors qu'il est très malade, et il réalise un documentaire dans lequel, littéralement, il tend un miroir sur lui-même, et il se montre tel qu'il est, le visage très amaigri, le corps très faible, et il va jusqu'à décrire des opérations de chirurgie qu'il doit subir, des opérations de ponction. On est là dans un rapport à l'écriture qui n'est plus de l'ordre de la vitalité, mais qui est une manière de rester en vie quand le corps lui-même semble flancher. Écoutez un extrait de ce documentaire qui s'appelle « La pudeur ou l'impudeur ». Il est question de me ponctionner sous anesthésie locale ce petit ganglion que je traîne depuis un mois, qui a tendance à s'enkyster. Je demande au médecin si je pourrais voir l'affaire. Non, répond-elle. Grâce au champ opératoire qui délimite l'intervention, vous ne verrez rien du tout. J'ajoute, mais sauf si je tiens un miroir. Et elle, vous seriez bien vicieux. Trois heures au bloc opératoire au lieu des 4 heures prévues. Le grand jeu, 20 ponctions profondes avec de grosses aiguilles et la xylocaïne qui brûle, une artère trouée à quelques millimètres de l'aorte et de la jugulaire. L'anesthésiste transpire à grosses gouttes. Il a dit « On arrête, je vais boire un café, on reprend tout à l'heure. » Après, j'ai pensé « Alcool ? Drogue ?» On fait une échographie du cou. On quadrille sur une veine qui ne serait pas trop fine et qui ne roulerait pas. L'aiguille entre du premier coup, ça fait pas mal. J'ai la sensation de l'incision dans la peau avec le bistouri que l'anesthésiste avait réclamé pointu à ses assistantes. Hémorragie. Je leur dis que je me sens très mal. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Masque à oxygène qui ne fait aucun effet. Soudain, une douleur intolérable au niveau du cœur. Je crie, je supplie qu'on me délivre de cette douleur. Pendant quelques secondes, je pense que je vais mourir. Malgré l'hémorragie qu'il ne parvient pas à juguler, il doit recoudre vite avant que l'anesthésie ne fasse plus effet. Piqûre de morphine. On me fait glisser de la table d'opération à un brancard, puis sur mon lit. Pendant l'opération, j'étouffe sous la couverture de papier qui délimite le champ opératoire et m'empêche de voir ce qui se passe. Je souffre. Je sens une larme rouler et couler dans le coin de ma paupière droite. Malgré la mauvaise passe que nous traversons, une infirmière chantonne. Quelques secondes. Ça me fait du bien. Les dernières lignes du journal d'Hervé Guibert sont publiées sous le titre « Cytomégalovirus », d'un ouvrage qu'on peut se procurer, hein, qui est très court et qui là, c'est même plus des fragments, c'est vraiment presque des bouts de phrases parfois. Et il est intéressant d'entendre que les descriptions auxquelles il procédait à propos de la maladie de Michel Foucault, il se les applique à lui-même. Et là, on est dans une forme de voyeurisme, quelque chose qui est très très dur, non seulement pour lui, mais pour le lecteur qui pourtant, comme lui, veut aussi savoir, veut comprendre comment ça se passe. C'est là où ce que vous disiez sur la perversion et peut-être s'applique. Le plaisir du lecteur est très bizarre à ce moment-là. Je pense qu'il est, Guibert, ici, tout à fait fidèle à son projet littéraire. C'est écrire jusqu'au bout. C'est ce qui lui sert de... Comment dirais-je... De palliatif. C'est le seul soin qu'il peut s'appliquer à lui-même là où tous les autres soins, toutes les thérapies sont inefficaces. C'est l'écriture. Il y a cela, bien sûr. Il y a écrire pour tenir. Mais il y a une sorte d'élévation quasiment altruiste dans cette idée qu'on va faire le don de sa mort anticipée. En la révélant en acte, en décrivant cette maladie d'une manière tout à fait indiscrète. Alors, vous avez raison de le dire, c'est l'anti-modèle de Foucault. Ce n'est pas tout caché parce que la maladie, et surtout celle-ci, le sida, est obscène à cette époque-là. C'est tout révélé, justement, parce que c'est au travers de ce dernier geste que faire sens par l'écriture peut être un acte au-delà de l'accomplissement d'un simple projet personnel. Donc il y a aussi, si vous voulez, ce dépassement du côté un peu égotique que l'on trouve dans tous les textes de Guibert auparavant. Mais l'égotisme, c'est une catégorie elle-même très noble. Elle vient de Stendhal, entre autres. Ceci dit, avec l'épreuve de la maladie, lorsqu'elle se radicalise et qu'elle s'approche vers son échéance, la mort, on est vraiment ici, quasiment, dans un geste d'offrande. Parfois, la chanson suit la mort. Vous le disiez au moment du décès de Michel Foucault, Guibert parcourt les rues de Paris en chantant une chanson de Dao. Eh bien, écoutez Guibert en parler, et puis la chanson, évidemment. Je peux passer des semaines et des mois sans supporter la moindre note de musique, et puis je peux d'un seul coup avoir une avidité de musique, une faim de musique, et écouter jusqu'à plus soif la même musique, et à chanter sur la musique, et à danser tout seul sur la musique, enfin... Quoi. Mais vous la vivez avec qui, avec quel compositeur la musique? Quel instrumentiste? Ça peut être des passages de la Passion selon Saint Jean, reconstruit par Arnoncourt, mais ça peut être aussi Étienne Dao qui reprend une chanson de Françoise Hardy, Et si je m'en vais avant toi, bon, qui est une chanson que je trouve à la fois, on pourrait dire c'est vraiment de la variété, mais c'est une chanson que j'ai chantée à tue-tête le jour où j'ai appris la mort de Michel Foucault. Cette chanson, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. Vous vous rappelez cette chanson-là? C'est très beau, c'est « Si je m'en vais avant toi, dis-toi que je serai là. J'épouserai la pluie, le vent, le soleil et les éléments pour te caresser tout le temps. Mais si pourtant tu nous oublies... Et si je m'en vais avant toi, dis-toi, bien que je serai là, j'épouserai la pluie, le vent. Merci beaucoup, Bruno Blankmann, d'être venu nous parler d'Hervé Guibert aujourd'hui. Merci de votre invitation. Merci de nous donner envie de le lire et de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. On peut commencer avec Fou de Vincent, pourquoi pas, avec Cytomégalovirus, c'est plus dur peut-être, mais je ne sais pas avec lequel vous conseillez de commencer. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, ça reste son texte le plus connu à juste titre. On peut lire aussi votre texte, Les récits indécidables, Jean Eschnauzer, de Guibert et Pascal Quignard, qu'on trouve aux presses universitaires du Septentrion. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre d'Olivier Rey, L'heure et malheur du transhumanisme, paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Olivier Rey est chercheur au CNRS, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Il a publié en 2016 un autre livre que je vous recommande vivement et qui s'intitule « Quand le monde s'est fait nombre ». Ce livre montre l'invasion des statistiques, des courbes et des diagrammes dans tous les aspects de la vie sociale et politique. Mais revenons aux leurs et malheurs du transhumanisme. Dans son prologue, Olivier Rey confesse que c'est quasiment par hasard qu'il en est venu à s'intéresser au transhumanisme. Après une participation isolée à un colloque abordant le sujet, un anonyme a inscrit sur la page Wikipédia du philosophe qu'il s'intéressait de près à la question, ce qui l'obligea, au fil des sollicitations, à s'y intéresser de près. Pour Olivier Rey, la manière dont il s'est retrouvé à écrire ce livre sur le transhumanisme n'est qu'un reflet d'une situation plus générale. Le transhumanisme est de plus en plus subi. Je cite « Tel est donc notre lot, vivre dans un monde où certains hommes, pressés et jaloux, veulent que les humains laissent place à des êtres plus performants. Et dans cette galère, tout le monde se trouve bon gré mal gré embarqué. Sans doute sommes-nous nombreux qui préférions rester à quai. Mais enrôlés de force, nous ne pouvons traiter avec mépris les tempêtes qui s'annoncent. Ce n'est pas par joie que nous nous préoccupons du transhumanisme. Nous y sommes contraints. » Cette défiance et cette méfiance, c'est celle qu'il exprimait déjà en décembre dernier au micro d'Alain Finkielkraut dans l'émission Réplique. Moi, je suis toujours gêné, enfin pris d'une certaine stupeur, si vous voulez, quand ce qui pour moi a toutes les allures d'un cauchemar est présenté par quelqu'un d'autre comme une perspective enchanteresse. Vous l'aurez compris, sur le sujet, la position d'Olivier Rey n'est pas neutre. Bien au contraire, elle trouve son origine, selon les propres mots de l'auteur, dans ce que le médecin et scientifique Léon Casse appelait la sagesse de la répugnance. Le livre n'est cependant pas un pamphlet, c'est une opposition argumentée aux promesses portées par le transhumanisme. Faut-il prendre le phénomène au sérieux ? Est-ce un pur fantasme porté par quelques illuminés de la Silicon Valley ou une réalité tangible qui gagne peu à peu du terrain ? Pour notre auteur, il faut d'abord rappeler que le transhumanisme a deux versants. Un versant intellectuel, qui passe par une affirmation de la possibilité et du caractère hautement désirable d'une amélioration fondamentale de la condition de l'homme au moyen des nouvelles technologies, et un versant pratique, qui passe par une promotion de toutes les technologies propres à servir cet objectif, via des politiques publiques ou des financements dans cette direction. Pour ce qui est du versant intellectuel, Olivier Rey souligne que le mouvement transhumaniste est l'expression d'un sentiment ancien, d'indétermination de l'homme qui n'a jamais trop réussi à trouver sa place entre la bête et Dieu. La nouveauté, c'est qu'au lieu d'habiter cette situation intermédiaire, le transhumanisme porte le désir et la promesse de la dépasser. Le transhumaniste veut affranchir l'esprit de la matière, mais pour arriver à ses fins, il s'en remet entièrement et exclusivement à des moyens matériels. Le transfert de la transcendance à l'immanence est total. On promet une intelligence démultipliée, une libération de la sexuation, l'immortalité. À grands coups de propagande et de promesses exorbitantes, le transhumanisme entend rompre avec les désillusions du progrès pour proposer un progrès encore plus radical et véritablement salvateur. Pour ce qui est du versant pratique, le philosophe divise l'humanité en deux, entre ceux que le phénomène fascine et ceux qui l'inquiètent. Cependant, l'injonction est forte et se présente comme une version sécularisée du pari pascalien. L'enjeu est tel qu'en son nom, nous devons consentir à tout. Du coup, tout le monde s'engouffre dans la brèche sans réfléchir. C'est dans cette dynamique d'ailleurs que s'inscrivent les géants d'Internet qui, pour faire accepter au public leur emprise démente sur le monde, promettent à ce même public qu'ils vont les sauver de tout grâce aux nouvelles technologies. Le transhumanisme est-il alors un leurre ? Oui, pour partie, mais pas seulement. C'est un leurre efficace car il joue sur des ressorts puissants. Pour désamorcer la fascination qu'il exerce, il faut donc s'attaquer à la source du mal. D'une part, à la situation diminuée de l'individu contemporain, qui lui rend toute perspective d'augmentation séduisante. D'autre part, au cadre hérité de la modernité, dont le transhumanisme est un aboutissement. On rentre là dans la partie la plus passionnante et la plus puissante de l'ouvrage. En revenant sur l'héritage philosophique et théologique de l'humanisme et de la modernité, Olivier Rey montre comment le transhumanisme ne fait que perpétuer le péché originel des temps modernes. Se rêver hyperpuissant alors qu'il faudrait mettre des limites à la puissance. Flatter l'individualisme alors qu'il faudrait assumer une communauté de destin. Olivier Rey prévient « Nous sommes entrés dans des temps apocalyptiques et nous ne sommes pas prêts. À moins peut-être de nous souvenir que nous sommes humains, trop humains. » Merci beaucoup Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Colomba Grossi qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Philippe Baudouin qui réalise cette semaine. À la prise de son, c'était Alice Seyed et Bruno Gagnère-Fontani. À la lecture des textes, Yvan Morane. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la pornographie. Demain, nous serons en compagnie de Ludivine Demol qui viendra s'interroger sur le comportement qu'ont les adolescentes en matière de films porno aujourd'hui. Mais oui, ça ce sera demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes celles sur la série consacrée à la pornographie. Vous pouvez également télécharger ces émissions, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et je vous donne rendez-vous ce samedi 6 octobre dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. À l'occasion de la 27e édition de la Fête de la Science, France Culture propose un forum « Les idées claires » où prendront place en public les émissions de la méthode scientifique du grain à moudre de la grande table et donc nous-mêmes, les chemins de la philosophie. Je vous attends à 10h15 pour un débat en compagnie de Jean-Claude Amezen et Frédéric Worms qui se poseront une question. Faut-il renoncer à la vérité ? Ceux d'entre vous qui ne pourront pas y assister, sachez que l'émission sera diffusée le vendredi 12 octobre à 10h. 10h, c'est l'heure à laquelle on se retrouve demain, mais d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.